allô? Ah, Martine? Oui. Et Didier? Ah, bonsoir Didier, ça va? Bien, ben, je vous appelle avant l'émission, comme ça, pour discuter un petit peu. Ah, d'accord. Alors, comment ça va? Bon, ça va très bien. Bon, ça va bien, vous êtes tranquille, là? Bah, je suis tranquille avec mon fils, comme ça, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Ah oui, comme ça, on fait la fête. On a fait la fête hier, hein, un peu, Martine. Ouais, un peu trop, quoi. Un peu trop, ça a été arrosé. Ouais. Bon, comment ça se passe pour ce week-end? Attendez, ce week-end? Non, je veux dire, on essaie de se voir ou pas? Ah bah oui, bien sûr. Parce que qu'est-ce que vous m'avez préparé à dîner ce week-end si je viens? Moi, je n'ai pas encore préparé. Hein. Qu'est-ce que vous me proposez déjà, vous m'avez dit? Parce que vous voulez, je vous ai dit. C'est quoi, c'est-à-dire? Soit une langue de bœuf avec la sauce madère, avec des pommes de terre autour. Ouais. Ça, c'est bon. Ou alors un bourguignon, ou alors un pot-au-feu, ou... Enfin, ce que vous voulez, quoi. D'accord, parce que nous, je vous l'ai dit, on vient avec toute l'équipe de la radio. Donc, on a calculé, on est 19, hein. Ah non, je pourrais pas. Ah bon? Pas 19, c'est pas possible. Donc on vient tous, c'est promis, c'est bien. On vient, on arrive vers 14h, on s'est arrangé pour les horaires. Et vous embêtez pas, on va dormir à l'hôtel. Et puis pour certains, on est quand même... Ah bon, non! On dort 8 dans une caravane et les autres dans les hôtels. On va pas vous embêter chez vous. Apparemment, Anthony, il a dit que ça vous embêterait énormément. Oh non, pas du tout, moi, non. Moi, j'adore les gens, moi. Oui, mais écoutez, on peut pas dormir chez vous. Hein. Ah bon? Ah bah, surtout qu'on a les chiens et tout, c'est compliqué. Bah, au fait... On remettra la table... Excusez-moi, je parle à mon fils. On peut mettre la table qui est dehors. Ah oui, mais par contre, c'est des chats, ce qui nous manquera. On va en trouver. Bon, ça se passe comment? Qu'est-ce que vous disiez, là, à votre fils? Non, je lui dis, bon, ben, on va rallonger la table qui est dehors. Oui. Ah, vous mettez une rallonge carrément dehors? On va manger dehors? Ben non, non. Oh, parce qu'on va geler les couilles, hein. Bah oui, exactement. Ah bah oui, là, non, ça, non, non. Sûr. Ah bah oui, non, là, faut pas déconner, non. Parce que votre fils, il y a votre fils Anthony qui m'a dit qu'apparemment vous aviez un grand jardin, vous alliez mettre une énorme tente et qu'on allait manger dehors et tout ça. Non, il dit que des conneries. Oh non, mais ouais, mais moi j'avais prévu ça, alors moi j'ai prévenu tous les collègues comme qu'on allait manger dehors. Dehors? Mais oui, c'est ce que vous avez dit. Mais on va se geler les couilles. Mais pareil, vous avez l'habitude d'organiser des fêtes au mois d'hiver. Et que vous mettez des tentes et tout, qu'il y a du chauffage. Merde, qu'est-ce que vous nous racontez? C'était connerie ou quoi? On arrive vendredi soir, là, ce week-end, et on repart lundi. On reste 3 jours chez vous. Oh, ce serait génial. Bah oui, bien sûr. Mais là, je vais vous assurer, il va falloir faire un bourguignon gigantesque. Hein. Il va falloir combien de kilos, dites-moi? Ouais, je sais pas, moi. Je pense qu'il faut bien 10 kilos. 10 kilos de bourguignon? Oh, pas minimum, hein. Où est-ce que je vais trouver ça? Moi, j'ai pas de voiture, j'ai pas de permis. Et en plus, je suis loin des magasins. Mais il m'a dit que vous... Ah, moi, je comprends plus rien. Bon, on m'a dit que vous faisiez un barbecue dehors dans une tente chauffée. Oh non, ils se sont foutus de ma gueule, là. C'est ce que dit Gérard. Écoutez, demandez-lui, c'est ce qu'il a dit. T'as dit ça? Mais bon, on va s'arranger. Qu'est-ce qu'il dit? Oh non, c'est pas vrai. Il est vrai. C'est vraiment un menteur. Hein. Bah ouais, mais moi, je suis désolé. Moi, j'annule, hein. Parce que je vous dis... C'est la faute, hein. Alors ça, si j'annule, c'est vraiment sur le dos de votre fils, hein. Ben oui, mais c'est vraiment un menteur, hein. Ah, mais moi, j'avais tout prévu et tout, j'avais... Ben moi aussi. Et vous voulez faire quoi? Vous voulez profiter de ma notoriété pour dire qu'après, oui, j'ai invité du monde à dîner chez moi, Didier est venu manger à la maison? Ah non, moi, c'est pas pour ça, hein. Mais je vous dis, mais c'est ce que j'ai dit à mon mari et à mes enfants, que ce serait le président de la République ou vous, hein, j'aurais à dire merde, eh ben je vous dirais merde. Ah, vous me dites merde? Bah non. Oh bah écoutez, alors là, dans ces cas-là, moi je vais raccrocher, ça sert à rien, je crois qu'on est en train de perdre notre temps. Pas à vous, pas. Ah, écoutez, moi aussi je vous emmerde, hein. Non mais. Bah, attendez, là vous êtes en train de monter sur vos gros chevaux, c'est quoi ce bordel? Non mais écoutez, alors, non mais, j'ai une table dehors, donc je vais la mettre à côté. Oh, mais pas question, on mange dehors, moi c'est ce qui était prévu, j'ai annoncé ça à tout le monde. On mange dehors? Bah oui. D'un coup comme ça? Mais il vous a dit que vous aviez une table qui était chauffée. Non, moi je comprends plus rien, écoutez, vous avez qu'à voir avec Gérard, oh merde, non, gueulez un peu. C'est Gérard qui fait le con. Ouais, mais dites-lui quoi, merde. Non, moi, je Gérard, suis une... écoute, pourquoi t'as dit ça? Didier veut des excuses, Martine. Bah, c'est pas à moi de m'excuser quand même. Oh bah, c'est à qui alors? Bah, c'est à Gérard. Bah, c'est il votre a dit fils. Qu'il avait une. Mais, de toute façon, ça n'existe pas les tanks qui chauffent. Hein. Bon bah, je raccroche. Apparemment, vous avez pas envie de nous inviter. Bah, si. C'est connerie. Vous vous foutez de nous. Mais non. Mais, je suis désolé, Martine, je suis désolé. Merde, on fait tout pour quoi? Vous m'avez dit. Vous m'avez dit de venir avec du monde, j'ai avec 19 personnes, vous m'avez demandé de ne pas venir dormir chez vous, je loue des caravanes. Vous m'avez écoutez, dit de venir... écoutez, Didier, bon, on a 2 chambres ce week-end. On est 19, on va pas dormir à 18 dans chaque chambre. Je sais pas où vous mettre, moi. Réfléchissez bien, on peut pas en faire, bon, par exemple. Oh bah, il y a des matelas. Bon, enfin, on peut en faire dormir 4 par chambre, ça fait 8. Non, non, pas... Deux dans le salon, quatre dans le salon. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai comment un canapé qui fait lit. Un clac-clac? Non, c'est genre un clac-clac. Non, non, c'est un clac-clac, un clac-clac. Oui. Donc on peut mettre combien dedans? Six personnes? Bah deux. On va en mettre à six, quoi. On va tasser un peu. Les chiens, on les met où, dehors, dans le garage? Oui, dans le garage, il y a même des couvertures pour les bêtes. D'accord. Couverture à bêtes, ça c'est bon, j'en prends note. Et donc il reste encore 7 ou 8 personnes, on fait quoi? Dans la caravane? La caravane, on la met où? On peut la mettre devant ou il y a... Dans le jardin. Dans le jardin, d'accord. Merde, alors! J'entends plus, là! Ah, moi je vous entends. Non, non, moi je... Allô? Oui? Oh, elle a raccroché, elle fait chier. Mais non! Pourquoi elle fait ça? Vous voyez comment elle est de mauvaise foi, cette dame? Mais j'ai pas raccroché! Allô? Oui? Oh là là, allô? J'entends plus rien! Moi je vous entends! Oh là là, c'est encore son fils qui doit s'amuser avec son téléphone ou qui s'amuse avec les fils, c'est pas possible, j'entends plus rien. Pourquoi elle a raccroché? Ça me fait chier celle-là. Elle se prend tout permis, elle me raccroche au nez, elle me donne des rendez-vous, elle les annule. Elle aime pas les bêtes, cette dame. C'est pas possible. Faut pas dormir des chiens dans des garages. J'ai tout entendu ce que vous avez dit. Et en plus, elle nous ferait dormir dehors, en plus. Hein. C'est grave, cette dame. Hein. Non, mais écoutez... Je vais la rappeler, je vais lui dire. Ça, je vais la rappeler, je vais lui dire tout de suite. Hein. Faut pas hâte qu'elle me prend pour un con. Hein. Allô? Ah, ça y est, allô? J'ai entendu tout ce que vous avez dit. J'ai rien dit, moi. Si, vous avez dit que vous me faisiez, que je vous faisais chier. Quoi? Que je vous emmerdais. J'ai rien dit du tout. Si. J'ai entendu tout ce que vous avez ça, dit. Ça, vous m'avez raccroché au nez. Mais non, j'avais pas raccroché en plus. Ah si, vous m'aviez raccroché au nez. Mais non. Écoutez, merde. J'ai entendu tout ce que vous avez mais dit. Mais j'ai rien dit. Sur moi. J'ai rien dit. Mais si. Ne quittez pas, hein, je vous mets en attente. Hein. D'accord. Et en plus, elle dit qu'elle a entendu, tu vois, comment elle est menteuse, cette dame. Bah, je suis mais pas une menteuse, hein. C'est grave, hein, quand même, hein, comment elle est. Hein, qu'est-ce que je lui dis? Ah bah ouais, ça, je vais lui dire, de toute façon, j'annule, hein, ce week-end. De toute façon, elle nous fera pas, le bourguignon. Elle nous le fera jamais. Je suis sûr. Ah bon? Son fils, Anthony, je l'ai eu au téléphone cet après-midi, il m'a dit qu'apparemment, elle savait pas faire la cuisine, qu'elle savait à peine faire les frites. Oh putain! Elle savait pas qu'elle savait à peine faire les frites. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh non, c'est pas vrai. Vraiment, je crois qu'elle se fout de nous. Je crois que je me demande pas si son fils Gérard il est complice avec elle aussi. Et ils vont nous donner une fausse adresse et on va se pointer là-bas, il y aura rien. Il y aura personne, c'est sûr. Je vais la reprendre là. Je vais lui reparler. Allô? Oui. Oui, bon, on fait comment pour ce week-end? Bah, vous venez. Ouais, pour la bouffe, qu'est-ce que vous nous faites? Vous dites si vous voulez un bourguignon ou une langue de bœuf ou je sais pas quoi, moi, comme vous voulez. Ah, moi, j'ai entendu dire que vous étiez pas très bonne en cuisine. Ah bon? Non, c'est peut-être vrai. Ouais, c'est Anthony qui nous a dit ça. Après tout, je m'en fous, moi, de ce qu'ils disent. Ah bon, quittez pas, hein. Je vais parler à un de mes collègues. Okay. Quittez pas. Et Gérard, ouvert, s'il te plaît. Vous entendez la musique quand je vous la mets, là? Non, non, j'ai pas entendu musique. Vous m'avez dit, je vous mets en attente et vous étiez en train de parler à votre collègue. Non, pas du tout. Que vous lui avez dit. Elle va nous dire qu'elle va faire à manger, elle va pas le faire, elle sait pas faire la cuisine et puis c'est une profiteuse. Moi, j'annule ce week-end. Hein. Mais non, faut pas annuler. Bon, écoutez, je vais réfléchir avec mes collègues. Est-ce que vous préférez une langue de bœuf ou un bourguignon? Ou alors un pot-au-feu? Écoutez, je vais réfléchir avec mes collègues et puis je vous rappelle. D'accord. Je vous embrasse. Bon, ben, à tout à l'heure. Bisous. Au revoir.